Chapitre 8e, une répétition d'opéra. Le lendemain, entre 11h et midi, M. Monckton retourna chez M. Harrel. Il trouva en entrant, ainsi qu'il s'y attendait, les deux dames et M. Arnott, comme il le craignait, prêts à les suivre. Il eut cependant à peine le temps de s'affliger de ce contretemps, car il s'en présenta bientôt à nouveau, puisqu'au bout de quelques minutes, ils furent joints par le chevalier Floyer, qui déclara qu'il était résolu à les accompagner au théâtre de Haymarket. M. Monckton, pour déguiser son chagrin, prétendit qu'il fallait partir tout de suite afin d'arriver avant l'ouverture. Ils étaient donc prêts à sortir lorsqu'ils furent arrêtés par l'arrivée de Maurice. L'étonnement que sa vue causa M. Monckton fut extrême. Il ignorait que ce suppôt de Thémis fût connu de M. Harrel, car il se rappelait que lorsqu'ils se rencontrèrent dernièrement chez lui, c'était la première fois qu'ils s'étaient vus. Il en conclut donc naturellement que Cécile était l'objet de sa visite. Le ton de familiarité sous lequel il paraissait être avec toute la maison ne contribua pas à diminuer sa surprise, car lorsque Mme Harrel lui témoigna le regret qu'elle avait d'être obligée de sortir, il la pria d'un air dégagé de ne pas se gêner pour lui, assurant qu'il lui aurait été impossible de s'arrêter plus de 2 minutes, et promettant, sans qu'on l'en priât, de revenir le lendemain. Et lorsqu'elle ajouta « Nous ne serions pas si pressés de sortir si nous n'allions à l'opéra assister à une répétition. » Il s'écria, sur le champ, « Une répétition ? Quoi, réellement, vous allez à la répétition ? Eh bien, j'ai envie d'y aller aussi. » Alors, apercevant M. Monckton, il lui fit une profonde révérence et lui demanda respectueusement comment il avait laissé Milady Marguerite, qu'il comptait parfaitement rétabli de sa dernière indisposition, ajoutant différentes questions sur ses arrangements pour l'hiver. Ses propos étaient peu propres à rendre sa présence supportable à M. Monckton, qui lui répondit assez sèchement, et il continua à presser les dames de partir. « Oh ! » s'écria Maurice, « il est bien inutile de tant se presser. La répétition ne commence qu'à 1 heure. »« Vous vous trompez, monsieur, » repartit M. Monckton, « elle doit commencer à midi. » »« Ah oui, vous avez raison, » reprit Maurice, « j'ai oublié le ballet, et j'imagine qu'on le répétera le premier. » »« Permettez, Miss Beverley, » que je vous demande si vous avez jamais vu la répétition d'un ballet. Non, monsieur. En ce cas, je vous assure qu'elle vous fera le plus grand plaisir. Rien au monde n'est si comique que de voir ces signors et ces signoras faisant des cabrioles le matin. Oh, les figuranti ne sauraient manquer de vous amuser beaucoup. Vous n'avez certainement jamais vu de votre vie un pareil assemblage de gredins. Ce qu'il y a de singulier, c'est de voir leur visage, car pendant tout le temps qu'ils sautent et font des entrechats sur le théâtre, comme s'ils étaient hors d'eux-mêmes, ils ne pouvaient contenir leur gaieté, ils ont l'air aussi graves et aussi lugubres que des fossoyeurs. Gardez-vous de rien dire au détriment de la danse, s'écria le chevalier. C'est elle seule qui soutient l'opéra, et je suis sûr que c'est l'unique chose à laquelle on fasse attention. La répétition n'était pas encore commencée. Cet opéra était le premier que Cécile eût entendu. Elle avait pourtant quelques connaissances de la musique italienne, à l'étude de laquelle elle s'était appliquée avec soin. Le goût naturel qu'elle avait pour cet art l'avait engagée à fréquenter assidûment les concerts de Bury et de ses environs, et elle recevait régulièrement de Londres les productions des plus grands maîtres. Cependant, le peu d'expérience qu'elle avait acquise dans ce genre de musique imitative servit plutôt à augmenter qu'à diminuer la surprise avec laquelle elle assista à ce chef-d'œuvre. Incapable de juger, par le peu qu'elle avait appris, de ce qu'il lui restait encore à apprendre, elle vit avec étonnement combien la musique écrite est peu propre à donner une juste idée de l'exécution. Ainsi, n'ayant précisément que ce qu'il fallait de connaissances pour entrevoir les difficultés et sentir une grande partie du mérite, elle prêta à l'opération une attention presque pénible par l'application scrupuleuse qu'elle y apporta. Mais que le plaisir et l'admiration que lui causa l'exécution générale furent faibles en comparaison de l'émotion vive que lui fit éprouver l'incomparable Pacchirotti. Combien elle le trouva supérieur à l'idée qu'elle s'en était formée, tout entière à l'impression que les sons de cet excellent chanteur faisaient sur son âme, elle sentait ce qu'elle ne pouvait expliquer, elle jouissait de ce qu'elle ne pouvait comprendre. L'opéra qu'on répétait était Artaxerxès. Cécile l'écoutait avec d'autant plus de charme qu'elle avait lu d'avance les paroles de ce drame intéressant, et comme le genre simple est toujours le plus agréable, rien ne lui plut davantage que la naïveté avec laquelle Pacchirotti chantait ses touchantes paroles « Sono innocente ». Sa voix, toujours tendre et passionnée, les rendait d'un ton de douceur, de persuasion et de sensibilité qui lui causa une émotion aussi nouvelle que délicieuse. Mais quoiqu'elle fût peut-être la personne de toute la salle la plus étonnée, elle n'était cependant pas la seule que le plaisir transporta. Et quoique trop occupée elle-même pour faire attention au reste des spectateurs en général, elle ne put s'empêcher de remarquer qu'un vieillard, placé auprès d'une des décorations, appuyait sa tête de manière à se cacher le visage et à ne rien voir qui pût détourner son attention. Et tandis que Pacchirotti chanta, il soupira si profondément que Cécile, frappée de son extrême sensibilité au charme de la musique, l'observa attentivement toutes les fois que son âme se trouva assez libre pour pouvoir s'occuper de toute autre émotion que de la sienne. Aussitôt que la répétition fut finie, les hommes de la compagnie de Madame Harel s'empressèrent d'entourer sa loge, et Cécile reconnut alors que la personne dont l'enthousiasme avait excité sa curiosité était le même vieillard dont la conduite extraordinaire l'avait si fort surprise chez M. Monckton. Le désir qu'elle avait eu d'abord de se procurer quelque information à son sujet s'étant renouvelé, elle se préparait à de nouvelles questions lorsqu'elle en fut détournée par l'arrivée du capitaine Harsby. Celui-ci l'aborda avec un sourire qui annonçait combien il était satisfait de lui-même, et après lui avoir dit tout bas qu'il espérait qu'au moment où il avait l'honneur de la voir, elle était en parfaite santé, il s'écria « Que la ville est horriblement déserte, cette solitude est pétrifiante. « J'imagine que vous ne vous trouvez pas présent obsédé par le trop de monde. À présent ?» répliqua M. Gosport. « Je croirais volontiers le contraire. »« Réellement ?» répliqua le capitaine, sans s'apercevoir de l'épigramme. « Je vous jure qu'à peine ai-je vu un être vivant. Avez-vous déjà essayé du Panthéon, mademoiselle ?»« Non, monsieur. »« Ni moi non plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un cette année. »« Ce spectacle n'est pas mon spectacle favori. » Rien de plus ennuyeux que de se tenir là longtemps assis pour écouter de la musique. Avez-vous déjà fait l'honneur au festino de vous y arrêter un instant? Non, monsieur. Permettez-moi donc de vous supplier de vouloir en essayer. Oui, vous avez raison, s'écria Madame Marel. J'ai réellement tort à cet égard. J'aurais dû vous engager à souscrire. Mais, mon Dieu, je n'ai encore rien fait pour vous, et vous ne me le rappelez pas. Nous avons l'ancienne musique et le concert d'Abel. Quant à l'opéra, nous pourrons prendre une loge pour deux. Il ne faut pourtant pas oublier d'essayer du concert des dames. Nous avons encore 50 autres endroits dont nous devons nous occuper. « Oh, jour de folie et de dissipation !» s'écria une voix peu éloignée. « Oh, vous, partisans de l'oisiveté et du luxe, qu'inventerez-vous encore pour perdre le temps? Jusqu'où pousserez-vous vos efforts pour l'anéantissement de toute vertu ?» Tout le monde parut étonné. Madame Harel se contenta de dire froidement « Ma chère, ce n'est que le misanthrope. » « Le misanthrope !» répéta Cécile, qui vit que ses exclamations partaient de celui qui avait été précédemment l'objet de sa curiosité. « Est-ce là le nom sous lequel cet homme est connu ?»« Il est connu sous plus de 50 noms, » ajouta M. Monckton. « Ses amis lui donnent celui de moraliste. Les jeunes demoiselles l'appellent la tête fêlée. Il est désigné sous toutes sortes de noms. Le sien seul est accepté. »« Je vous assure, madame, que c'est un malheureux tout à fait pétrifiant, » dit le capitaine. « Il m'obsède partout. » Si j'avais su qu'il fût si près, je me serais bien gardé de rien dire. C'est ce dont vous vous êtes acquitté tout aussi bien, s'écria M. Gosport, que si vous en aviez été instruit d'avance, et alors il vous aurait été impossible de mieux faire. Le capitaine, qui n'avait pas entendu ce propos, continua de parler à Cécile. Oserais-je espérer que vous daignerez nous honorer de votre présence à notre bal masqué du Panthéon? On ne distribuera que 500 billets. Et la souscription ne sera que de 3 guinées et demie. Ô dignes objets de charité et de munificence! S'écria de nouveau l'inconnu. Ô vous, êtres malheureux, mourant de faim et de misère, approchez, écoutez ces discours insensés de l'opulence. Approchez, vous qui êtes nus et qui manquez de pain, et vous saurez l'usage auquel on destine cet argent, qui aurait suffi à vous procurer les vêtements et la nourriture dont vous avez besoin. Cet étrange fou, dit le capitaine, devrait réellement être enfermé. Il m'a si souvent dégoûté que je le crois tout à fait dangereux. Je me suis fait une loi, toutes les fois que je l'aperçois, de ne jamais ouvrir la bouche. Où l'avez-vous donc si souvent rencontré? Lui demanda Cécile. Mais, répondit le capitaine, partout, il n'y a pas d'ours plus sauvage dans toute la ville. Mais la circonstance où il me parut le plus pétrifiant fut celle où j'eus l'honneur de danser avec une très jeune demoiselle qui ne faisait que sortir du pensionnat, et dont les parents avaient jeté les yeux sur moi pour l'introduire dans le monde. Tandis que je faisais mon possible pour l'amuser, il s'avança, et avec ses manières extraordinaires, il lui dit que toutes mes paroles n'avaient pas le moindre sens. J'avoue que je n'ai jamais été aussi tenté d'être enragé contre quelqu'un de cet âge-là que dans cette occasion. Monsieur Arnaud ayant averti les dames que leur carrosse les attendait, elles sortirent de leur loge. Mais comme Cécile n'avait jamais vu l'intérieur d'un théâtre, Monsieur Moncton, espérant que tandis qu'elle s'amuserait à le regarder, il trouverait l'occasion de lui glisser quelques mots, demanda à Maurice pourquoi elle ne faisait pas voir les décorations. Celui-ci, n'étant jamais plus content que lorsqu'on l'employait, assura que c'était la chose du monde qu'il aimait le mieux, et demanda la permission d'en faire les honneurs à Madame Harel, qui, cherchant toujours avec empressement tout ce qui lui promettait quelques distractions, accepta son offre. Ils se rendirent tous sur le théâtre, leur compagnie était la seule qui ne se fût pas retirée. Nous allons faire ici une entrée triomphante, s'écria le chevalier. Toutes les fois que je monte sur les planches, j'ai presque envie de devenir comédien. Il serait bien singulier à votre âge, s'écria Gosport, que vous eussiez attendu jusqu'à présent à prendre ce parti. À mon âge, répéta-t-il, qu'entendez-vous par là? Me prenez-vous pour un vieillard? Non, monsieur, mais je vous prends pour quelqu'un qui a passé l'âge de l'enfance, et conséquemment qui a fini son apprentissage avec les acteurs auxquels il a eu affaire sur le grand théâtre du monde, et commencé au moins depuis quelques années à voler de ses propres ailes. Allons, s'écria M. Maurice, voulez-vous que nous déclamions quelques morceaux pathétiques? Cela nous réchauffera. Volontiers, dit le chevalier, pourvu que ce soit pour un objet effectif qui en vaille la peine. Par exemple, si Miss Beverley voulait se charger du rôle de Juliette, elle n'aurait qu'à dire un mot. Je serai à ses ordres et prêt à m'acquitter de celui de Roméo. Dans ce moment, l'inconnu qui dans le coin où il s'était confiné, s'avança tout à coup et se plaçant devant eux, il lança sur Cécile un regard de pitié. « Pauvre innocente, s'écria-t-il, combien de persécuteurs s'attachent à tes pas? Se peut-il que tu ne t'aperçoives pas encore de leur vue perfide? Ils t'ont marqué pour leur victime, et ils te regardent déjà comme une proie qui ne saurait leur échapper. » Cécile, extrêmement frappée d'une pareille apostrophe, s'arrêta tout court et parut fort émue. Le vieillard ne s'en aperçut pas plus tôt qu'il ajouta « Que ce soit le danger et non l'avertissement qui t'affecte. Chasse loin de toi les flatteurs et les imposteurs qui t'assiègent. Recherche la société des gens vertueux. Soulage le pauvre. Soustrais-toi à la destruction dont l'opulence, sourde aux plaintes du misérable, est menacée. » Après avoir proféré ces derniers mots, il passa gravement au milieu d'eux et disparut. Cécile, trop étonnée pour être en état de parler, resta quelque temps immobile, formant en elle-même différentes conjectures sur le sens d'une exhortation aussi pathétique et aussi extraordinaire. Le reste de la compagnie n'était guère moins troublé qu'elle. Le chevalier, M. Moncton et M. Arnott, tous occupés de leur vue particulière, s'imaginèrent que cet avis y avait quelque rapport. M. Gosport, de son côté, était fâché de se voir confondu avec eux et qu'on lui eût aussi donné les épithètes de flatteur et d'imposteur. Madame Harel ne pouvait pardonner d'avoir été arrêtée dans sa promenade, et le capitaine Harsby, pâlissant à la vue de ce vieillard, se retira à l'instant qu'il parut. « Au nom du ciel, s'écria Cécile, après qu'elle fut un peu remise de sa consternation, quel est cet homme et que peut-il prétendre? Il est impossible que vous, Monsieur Moncton, n'en sachiez quelque chose, car c'est chez vous que je l'ai vu pour la première fois. » « Je vous assure, répondit celui-ci, qu'alors je ne le connaissais pas, et que je n'en sais guère davantage à présent. Belfield l'avait ramassé quelque part et me demanda la permission de l'amener au logis. Il l'annonça sous le nom d'Albano. Son caractère me parut tout à fait singulier, et Belfield, passionné de tout ce qui a l'apparence d'originalité, en était très entêté. « Ce vieillard a diablement d'humeur, s'écria le chevalier, et s'il continue toujours sur le même ton, il court grand risque d'avoir les oreilles coupées. Je n'ai encore rencontré personne dont la conduite fut aussi extraordinaire que celle de cet homme, dit M. Gosport. Il a l'air de détester le genre humain, et cependant il n'est jamais un moment seul. Il se fourre dans toutes les compagnies sans jamais se lier avec personne. Il joue ordinairement le rôle d'observateur sévère et silencieux, ou, s'il lui arrive de parler, ce n'est que pour débiter quelques sentences, quelques moralités ou des censures amères et piquantes. On va de nouveau annoncer que le carrosse était prêt. M. Moncton prit la main de Cécile et M. Maurice celle de Mme Harel. Le chevalier et M. Gosport saluèrent et partirent. Quoiqu'ils eussent quitté le théâtre et qu'ils fussent arrivés au haut d'un petit escalier qui leur restait à descendre, M. Moncton, se voyant débarrassé de tous les importuns, à l'exception de M. Arnott, qu'il espérait écarter aussi, ne put résister au désir de faire une nouvelle tentative pour se procurer une conversation de quelques minutes avec Cécile. Pour cet effet, s'adressant encore à M. Maurice, il s'écria « Je ne crois pas que vous ayez encore fait voir à ces dames aucune des machines de derrière les coulisses. »« Je l'avoue, » repartit Maurice, « je ne leur ai montré aucune. » « Ne conviendrait-il pas que nous retournassions sur nos pas ?»« J'en serais enchanté, » dit Madame Harel, et ils retournèrent. M. Moncton profita habilement de l'occasion qui se présentait pour dire à Cécile « Mademoiselle, ce que j'avais prévu n'a pas manqué d'arriver. Vous êtes environnée de gens rusés et mal intentionnés, intéressés, faux et hypocrites, qui n'ont d'autre but que de s'emparer de votre fortune et dont les vues mercenaires, si vous n'y prenez garde. » Un cri perçant de Madame Harel l'empêcha de continuer. Cécile, fort alarmée, le quitta pour en apprendre la cause. M. Moncton ne put s'empêcher de la suivre et fut très mortifié en voyant cette dame rire de toutes ses forces et que cette joie immodérée était causée par le trop grand empressement de M. Maurice qui, en faisant les honneurs du théâtre, s'était accroché à une coulisse qui lui était tombée sur la tête. Il fut impossible de s'arrêter plus longtemps et M. Moncton, en conduisant les dames à leur carrosse, eut besoin de toute sa patience et de toute sa raison pour s'empêcher de reprocher à Maurice son étourderie et sa maladresse. La toilette, le dîner, en nombreuse compagnie à la maison, ensuite l'assemblée au dehors, remplirent comme à l'ordinaire le reste de la journée.